rappelle pas un rêve. Non, ne lâche pas l'affaire. On remonte la pente, ne reste pas à terre. Ignore ce qu'ils ont dit, c'est médisant, tous ces jaloux. Tous ces gens qui croient que tu ne seras pas debout. N'appelle pas ça un rêve, non, ne lâche pas l'affaire. On remonte la pente, ne reste pas à terre. Ignore ce qu'ils ont dit, c'est médisant, tous ces jaloux. Tous ces gens qui croient que tu ne seras pas debout. Ne lâche pas l'affaire, cousin, car depuis le temps j'écris. Les critiques sont dures d'écoute, crois-moi, des fois j'en ris. Que tu sois dans la peinture, dans la musique, dans le ciné, les médisants prouvent leur que tu repars plus fort après. Moi ça fait 10 ans que je pose sur l'instrumental. Il a fallu du temps pour qu'on me dise que c'est pas mal. N'abandonne pas cousin, non ne lâche pas l'affaire. Il faut laisser le temps réaliser toutes tes prières. N'appelle pas ça un rêve, non vis-le au jour le jour. Que ton art sente que tu lui donnes beaucoup d'amour. Trop de rêves s'envolent, regarde-moi, j'y fais face. Fais-le pour toi, pas pour les gens qui regardent dans la glace. Et sois-en fier cousin, car au moins toi tu as un rêve. Pas comme ces gens qui ne connaissent que le bonheur en grève. Ne rêve pas ta vie et peu importe les conséquences. Et tu as foi en toi, moi en toi, tu es le conquérant. N'appelle pas ça un rêve, non ne lâche pas l'affaire. Remonte la pente, ne reste pas à terre. Ignore ce qu'ils ont dit, c'est médisant, tous ces jaloux. Tous ces gens qui croient que tu ne seras pas debout. N'appelle pas ça un rêve, non ne lâche pas l'affaire. Remonte la pente, ne reste pas à terre. Ignore ce qu'ils ont dit, c'est médisant, tous ces jaloux. Tous ces gens qui croient que tu ne seras pas debout. Tu vois j'ai augmenté le niveau depuis 10 années. Ça fait plaisir de voir que le son est mieux que le dernier. Et c'est partout pareil cousin, car si tu crois en toi, aucune personne ne peut stopper ton art si tu as foi. Si tu crois en tes capacités comme un talent. Si les gens sont trois que tu ramènes un étalon. Les gens qui parlent beaucoup ne t'arrivent pas à la cheville. Ils parlent de hauteur et se situent à ton talon. Mais c'est la famille.